tourne en rond, je comprends pas. Façon qu'on compte pas, prends pas mes phrases et mes idées. Lâche-moi mais ne prends pas, je compte pas. Team, mais ne perds pas, je resterai calme. Même si mon passe-temps, mon taf et mon temps de vie me les casse. Et si tous mes classiques sont en bon état, c'est que je suis classable du type en costard qui marche sur des cases, qui s'allume. Veste grise, loin de celle qui brille. Mais je te préviens que tu crèves et que tu restes où t'es. Tu rêves de glaire. Crache à la tienne, vexé mon sperme donne ce goût nouveau à leurs produits laitiers. Ça les dérange, démange, mais je suis bon. Car c'est tout le monde de demande et des putains de fit des sons. Et c'est bon signe, on attend leur mort pour s'emparer des biens. Je descends sur mon bel un concert, ils se battent pour me serrer la main. Non, je suis pas connu, et c'est ça le problème. Seulement c'est qu'on suce bien la bite à tous ceux qui parlent anglais. Et c'est pas que dans le sud, la mode, les vêtements. Si Wizzy se met un balai dans le cul, tu vas le faire, non, PD. Skinny jean et putain de piercing. Si mon public a la même dégaine, moi je décède direct. Je reste qu'au niveau des grands, car les petits vents, peu de pique dans les poches, frappe quand l'équipe est sombre et de longue, pas de France. Pour pathétique, mais vivement le sommet. Je me casserai quand tu seras mon blaze. Et c'est point B, point L et plus si blaze. PD, t'es pas, les parle pas parce que t'es fan et puis t'en fais des tas. T'es bas de gamme et puis t'es toi la tête en l'air. Je les calcule même pas, non. Vaut mieux l'avoir vers le ciel que près du Guy. Bah, s'il te plaît, pardon. Je me gave comme dirait Elite. La France on l'aime ou on la quitte. J'suis déjà dans un autre pays. Et certains se demandent, m'entendent pas. Donc je recommence jusqu'à qu'un de mes sons reste en écoute dans tes pensées. Je me vois pas retourner au logis de paix. Crie mon blague jusqu'à que t'arrêtes de l'épée. Crie mon blague jusqu'à que t'arrêtes de l'épée.